représentant d'un continent qui ne veut pas mourir. Nous sommes les derniers croyants que l'Europe est de son avenir. Nous sommes les derniers camarades de ceux qui n'ont versé leur sang. Nous sommes les derniers à côtoyer ceux dont l'honneur s'appelait fidélité, fidélité. Fidélité.